La cité de Dieu de Saint Augustin, livre 16e, de Noé à David. Édition Charpentier 1855, tome 3e. Traduction par Monsieur Émile, Edmond, Cesset. Chapitre 35. Des deux jumeaux qui se battaient dans le ventre de Rebecca. Voyons maintenant le progrès de la cité de Dieu dans les descendants d'Abraham. Comme Isaac n'avait point encore d'enfant à l'âge de 60 ans, parce que sa femme était stérile, il en demanda à Dieu, qu'il exauçait mais dans le temps que sa femme était enceinte, les deux enfants qu'elle portait se battaient dans son sein. Les grandes douleurs qu'elle en ressentait lui firent consulter Dieu qui lui répondit, « Deux nations sont dans votre sein, et deux peuples sortiront de vos entrailles. » L'un surmontera l'autre, et l'aîné sera soumis au cadet. Genèse 25, 23. L'apôtre saint Paul, Romains 9, 11, tire de là un grand argument en faveur de la grâce, en ce que, avant que ni l'un ni l'autre ne fussent nés et n'eussent fait ni bien ni mal, le plus jeune fut choisi sans aucun mérite antérieur, et l'aîné réprouvé. Il est certain que, par rapport au péché originel, ils étaient également coupables, et que ni l'un ni l'autre n'avaient commis aucun péché qui leur fût propre. Mais le dessein que je me suis proposé dans cet ouvrage ne me permet pas de m'étendre davantage sur ce point, outre que je l'ai fait amplement ailleurs, voir, du péché originel, du libre arbitre et de la grâce, etc. À l'égard de ces paroles, l'aîné sera soumis au cadet, presque tous nos interprètes l'expliquent du peuple juif, qui doit être assujetti au peuple chrétien, et dans le fait, bien qu'il semble que cela soit accompli dans les Idumées issus de l'aîné, il avait deux noms, Ésaü et Édom, parce qu'ils ont été assujettis aux Israélites sortis du cadet. Néanmoins il est plus croyable que cette prophétie. Un peuple surmontera l'autre, et l'aîné servira le cadet, regardez quelque chose de plus grand. Et quoi donc, sinon ce que nous voyons clairement s'accomplir dans les Juifs et dans les chrétiens? Chapitre 36. Dieu bénit Isaac, en considération de son père Abraham. Isaac reçut aussi la même promesse que Dieu avait si souvent faite à son père, et l'Écriture en parle ainsi. Il y eut une grande famine sur la terre, outre celle qui arriva du temps d'Abraham, en sorte qu'Isaac se retira à Gérara, vers Abimélec, roi des Philistins. Là, le Seigneur lui apparut et lui dit, « Ne descendez point en Égypte, mais demeurez dans la terre que je vous dirai. Demeurez-y comme étrangers, et je serai avec vous et vous bénirai. Car je vous donnerai, ainsi qu'à votre postérité, toute cette contrée, et j'accomplirai le serment que j'ai fait à votre père Abraham. Je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, et lui donnerai cette terre-ci, et en elle seront bénies toutes les nations de la terre, parce qu'Abraham, votre père, a écouté ma voix et observé mes commandements. » Genèse 26, 1 à 5. Ce patriarche n'eut point d'autre femme que Rebecca, ni de concubine, mais il se contenta pour enfant de ses deux jumeaux. Il appréhenda aussi pour la beauté de sa femme, parce qu'il habitait parmi des étrangers, et, suivant l'exemple de son père, il l'appela sa sœur, car elle était sa proche parente du côté de son père et de sa mère. Ces étrangers, ayant su qu'elle était sa femme, ne lui causèrent toutefois aucun déplaisir. Faut-il maintenant le préférer à son père pour n'avoir eu qu'une seule femme? Non, car la foi et l'obéissance d'Abraham étaient tellement incomparables, que ce fut en sa considération que Dieu promit au fils tout le bien qu'il lui devait faire. « Toutes les nations de la terre, dit-il, seront bénies en votre postérité, parce que votre père Abraham a écouté ma voix et observé mes commandements. Et dans une autre vision, je suis le Dieu de votre père Abraham, ne craignez point, car je suis avec vous et vous ai béni, et je multiplierai votre postérité à cause d'Abraham, votre père. Genèse 26-24. Parole qui montre bien qu'Abraham a été chaste dans les actions même que certaines personnes, avides de chercher des exemples dans l'Écriture pour justifier leur désordre, veulent qu'il ait fait par volupté. Cela nous apprend aussi à ne pas comparer les hommes, ensemble, par quelques actions particulières, mais par toute la suite de leur vie. Il peut fort bien arriver qu'un homme l'emporte sur un autre en quelques points, et qu'il lui soit beaucoup inférieur pour tout le reste. Ainsi, quoique la continence soit préférable au mariage, toutefois un chrétien marié vaut mieux qu'un païen continent, et même celui-ci est d'autant plus digne de blâme qu'il demeure infidèle en même temps qu'il est continent. Supposons deux hommes, deux biens. Sans doute celui qui est plus fidèle et plus obéissant à Dieu vaut mieux, quoique marié, que celui qui est moins fidèle et moins soumis, encore qu'il garde le célibat. Mais toute chose égale d'ailleurs, il est indubitable qu'on doit préférer l'homme, continent à celui qui est marié. Chapitre 37. Ce que figurait par avance Ésaü et Jacob. Or, les deux fils d'Isaac, Ésaü et Jacob, croissaient également en âge, et l'aîné vaincu par son intempérance, céda volontairement au plus jeune son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Genèse 25-33-34. Nous apprenons de là que ce n'est pas la qualité des viandes, mais la gourmandise qui est blâmable. Isaac devient vieux et perd la vue par suite de son grand âge. Genèse 27-1. Il veut bénir son aîné, et, sans le savoir, il bénit son cadet à la place de l'autre, qui était velu, et auquel le cadet s'était substitué en ayant soin de se couvrir les mains et le cou d'une peau de chèvre, symbole des péchés d'autrui. Afin qu'on ne s'imaginât pas que cet artifice de Jacob fût répréhensible et ne contint aucun mystère, l'Écriture a eu soin auparavant de nous avertir qu'Ésaü était un homme farouche et grand chasseur, et que Jacob était un homme simple et qui demeurait au logis. Genèse 25-27. Quelques interprètes, au lieu de simple, traduisent sans ruse. Mais qu'on entende sans ruse ou simple, ou encore sans artifice, en grec aplastos, quel peut être, en recevant cette bénédiction, la ruse de cet homme, sans ruse, l'artifice de cet homme, simple, la fin de cet homme, incapable de mentir, sinon un très profond mystère de vérité? Cela ne paraît-il point dans la bénédiction même? L'odeur qui sort de mon fils, dit Isaac, est semblable à l'odeur d'un champ émaillé de fleurs que le Seigneur a béni. Que Dieu fasse tomber la rosée du ciel sur vos terres et les rende fécondes en blé et en vin. Que les nations vous obéissent, et que les princes vous adorent. Soyez le maître de votre frère, et que les enfants de votre père se prosternent devant vous. Celui qui vous bénira sera béni, et celui qui vous maudira sera maudit. Genèse 20-27. La bénédiction de Jacob, c'est la prédication du nom de Jésus-Christ par toutes les nations. Elle se fait, elle s'accomplit en ce moment même. Isaac est la figure de la loi et des prophètes. Cette loi, ces prophéties, par la bouche des Juifs, bénissent Jésus-Christ sans le connaître, n'étant pas connue elle-même par les Juifs. Le monde, comme un champ, est parfumé du nom de ce Sauveur. La parole de Dieu est la pluie et la rosée du ciel qui rendent ce champ fécond. Sa fécondité est la vocation des gentils. Le blé et le vin dont il abonde, c'est la multitude des fidèles que le blé et le vin unissent dans le sacrement de son corps et de son sang. Les nations lui obéissent, et les princes l'adorent. Il est le maître de son frère, parce que son peuple commande aux Juifs. Les enfants de son père l'adorent, c'est-à-dire les enfants d'Abraham selon la foi, parce qu'il est lui-même fils d'Abraham selon la chair. Celui qui le maudira sera maudit, et celui qui le bénira sera béni. Ce Christ, qui est notre Sauveur, est béni, je le répète, par la bouche des Juifs, dépositaires de la loi et des prophètes, bien qu'ils ne les comprennent pas et qu'ils attendent un autre Sauveur. Lorsque l'aîné demande à son père la bénédiction qu'il lui avait promise, Isaac s'étonne, et, après avoir vu qu'il avait béni l'un pour l'autre, il admire cet événement, et toutefois ne se plaint pas d'avoir été trompé. Au contraire, éclairé sur ce grand mystère par une lumière intérieure, au lieu de se fâcher contre Jacob, il confirme la bénédiction qu'il lui a donnée. Quel est, dit-il, celui qui m'a apporté de la venaison dont j'ai mangé avant que vous vinssiez? Je l'ai béni et il demeurera béni. Genèse 27, 33. Qui n'attendrait ici la malédiction d'un homme en colère, si tout cela ne se passait plutôt par une inspiration d'en haut que selon la conduite ordinaire des hommes? Aux merveilles réellement arrivées, mais prophétiquement, arrivé sur la terre, mais inspiré par le ciel, arrivé par l'entremise des hommes, mais conduite par la providence de Dieu. À examiner toutes ces choses en détail, elles sont si fécondes en mystère, qu'il faudrait des volumes entiers pour les expliquer, mais les bornes que je me suis prescrites dans cet ouvrage m'obligent à passer à d'autres considérations. Chapitre 38. Du voyage de Jacob en Mésopotamie pour s'y marier, de la vision qu'il eut en chemin, et des quatre femmes qu'il épousa, bien qu'il n'en demandât qu'une. Jacob est envoyé par ses parents en Mésopotamie pour s'y marier. Voici ce que son père lui dit à son départ, « Ne vous mariez pas parmi les Cananéens, mais allez en Mésopotamie, chez Bethuel, père de votre mère, et épousez là quelqu'une des filles de Laban, frère de votre mère. Que mon Dieu vous bénisse, et vous rende puissant, afin que vous soyez père de plusieurs peuples, qu'il vous donne, et à votre postérité, la bénédiction de votre père Abraham, afin que vous possédiez la terre où vous êtes maintenant étranger et que Dieu a donné à Abraham. » Genèse 28, 1. Ici paraît clairement la division des deux branches de la postérité d'Isaac, celle de Jacob et celle d'Ésaü. Lorsque Dieu dit à Abraham, « Votre postérité sortira d'Isaac », il entendait parler nécessairement de celle qui devait composer la cité de Dieu. Et cette postérité d'Abraham fut dès cet instant séparée de celle qui sortit de lui par les enfants d'Agar et de Sethura. Mais il était encore douteux si cette bénédiction d'Isaac était pour ses deux enfants ou seulement pour l'un d'eux. Or, le doute disparaît maintenant dans cette bénédiction prophétique qu'Isaac donne à Jacob, lorsqu'il lui dit, « Vous serez le père de plusieurs peuples. Que Dieu vous donne la bénédiction de votre père Abraham. » Pendant que Jacob allait en Mésopotamie, il reçut en songe l'oracle du ciel que l'Écriture rapporte en ces termes. Jacob, laissant le puits du serment, prit son chemin vers Chara, et, étant arrivé en un lieu où la nuit le surprit, il ramassa quelques pierres qu'il trouva là, et, après les avoir mises, sous sa tête, il s'endormit. Comme il dormait, Il lui semblait voir une échelle dont l'un des bouts posait sur terre et l'autre touchait au ciel, et les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Dieu était appuyé dessus, et il lui dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, votre père, et le Dieu d'Isaac, ne craignez point. Je vous donnerai à vous et à votre postérité la terre où vous dormez, et le nombre de vos enfants égalera la poussière de la terre. Ils s'étendront depuis l'Orient jusqu'à l'Occident, depuis le Midi jusqu'au Septentrion, et toutes les nations de la terre seront bénies en vous et en votre postérité. Je suis avec vous et vous garderai partout où vous irez, et je vous ramènerai en ce pays-ci, parce que je ne vous abandonnerai point que je n'ai accompli tout ce que je vous ai dit. » Alors Jacob se réveilla, et dit, « Le Seigneur est ici et je ne le savais pas. » Et étant saisi de crainte, « Que ce lieu, dit-il, est terrible, ce ne peut être que la maison de Dieu et la porte du ciel. » Là-dessus il se leva, et prenant la pierre qu'il avait mise sous sa tête, il la dressa pour servir de monument, et l'oignit d'huile par en haut, et nomma ce lieu la maison de Dieu. Genèse 28, 10 à 19. Ceci contient une prophétie, et il ne faut pas s'imaginer que Jacob versa de l'huile sur cette pierre à la façon des idolâtres, comme s'il en eût fait un dieu, car il ne l'adora point, ni ne lui offrit point de sacrifice. Mais comme le nom de Christ vient d'un mot grec qui signifie onction, Xrisma, ceci sans doute figure quelque grand mystère. Notre Sauveur lui-même semble expliquer le sens symbolique de cette échelle dans l'Évangile, lorsqu'après avoir dit de Nathanaël, « Voilà un véritable Israélite en qui il n'y a point de ruse », Jean 1, 47, pensant à la vision qu'avait eue Israël, qui est le même que Jacob, il ajoute, en vérité, je vous dis que vous verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Jean 1, 51. Jacob continua donc son chemin en Mésopotamie, pour y choisir une femme. Or, l'Écriture nous apprend pourquoi il en épousa 4 dont il eut 12 fils et une fille, lui qui n'en avait épousé aucune par un désir illégitime. Il était venu pour prendre une seule épouse, mais comme on lui en supposa une autre à la place de celle qui lui était promise, Genèse 29, 23, il ne la voulut pas quitter, de peur qu'elle ne demeurât déshonorée. Et comme en ce temps-là il était permis d'avoir plusieurs femmes pour accroître sa postérité, il prit encore la première à qui il avait déjà donné sa foi. Cependant, celle-ci étant stérile, elle lui donna sa servante pour en avoir des enfants, ce que son aîné fit aussi, quoiqu'elle-même en eût déjà. Jacob n'en demanda qu'une, et il n'en connut plusieurs que pour en avoir des enfants, et à la prière de ses femmes, qui usait en cela du pouvoir que les lois du mariage leur donnaient sur lui. Chapitre 39. Pourquoi Jacob fut appelé Israël. Or, Jacob eut 12 fils et une fille de 4 femmes. Ensuite, il vint en Égypte, à cause de son fils Joseph qui y avait été mené et y était devenu puissant, après avoir été vendu par la jalousie de ses frères. Jacob, comme je viens de le dire, s'appelait aussi Israël, d'où le peuple descendu de lui a pris son nom, et ce nom lui fut donné par l'ange qui lutta contre lui à son retour de Mésopotamie, Genèse 32, 28, et qui était la figure de Jésus-Christ. L'avantage qu'il voulut bien que Jacob remportât signifie le pouvoir que Jésus-Christ donna sur lui aux Juifs au temps de sa passion. Toutefois, il demanda la bénédiction de celui qu'il avait surmonté, et cette bénédiction fut l'imposition de ce nom même. Israël signifie voyant Dieu, ce qui marque la récompense de tous les saints à la fin du monde. L'ange le toucha à l'endroit le plus large de la cuisse et le rendit boiteux. Ainsi le même Jacob fut béni et boiteux. Béni en ceux du peuple juif qui ont cru en Jésus-Christ, et boiteux en ceux qui n'y ont pas cru, car l'endroit le plus large de la cuisse marque une postérité nombreuse. En effet, il y en a beaucoup plus parmi ses descendants en qui cette prophétie s'est accomplie. Ils se sont égarés du droit chemin, et ont boité. Psaume 17, 49. Chapitre 40. Comment on doit entendre que Jacob entra, lui 75e, en Égypte? L'Écriture dit, Genèse 46, 17, que 75 personnes entrèrent en Égypte avec Jacob, en l'y comprenant avec ses enfants, et dans ce nombre elle ne fait mention que de deux femmes, l'une fille, et l'autre petite fille de ce patriarche. Mais à considérer la chose exactement, elle ne veut point dire que la maison de Jacob fut si grande le jour ni l'année qu'il y entra, puisqu'elle compte parmi ceux qui y entrèrent des arrière-petits-fils de Joseph, qui ne pouvaient pas être encore au monde. Jacob avait alors 130 ans, et son fils Joseph 39. Or, il est certain que Joseph n'avait que 30 ans, ou un peu plus, quand il se maria. Comment donc aurait-il pu en l'espace de 9 ans avoir des arrière-petits-fils? Quand Jacob entra en Égypte, Éphraïm et Manassé, enfants de Joseph, n'avaient pas encore 9 ans. Or, dans le dénombrement que l'Écriture fait de ceux qui y entrèrent avec lui, elle parle de Machir, fils de Manassé et petit-fils de Joseph, et de Gala, fils de Makir, c'est-à-dire arrière-petit-fils de Joseph. Elle parle aussi de Uthelaham, fils d'Éphraïm, et de Édem, fils de Uthelaham, c'est-à-dire d'un autre petit-fils et arrière-petit-fils de ce patriarche. Genèse 50, 22, Nombre 26, 29. L'Écriture donc, par l'entrée de Jacob en Égypte, n'entend pas parler du jour ni de l'année qu'il y entrera, mais de tout le temps que vécut Joseph qui fut cause de cette entrée. Voici comment elle parle de Joseph. Joseph demeura en Égypte avec ses frères et toute la maison de son père, et il vécut 110 ans, et il vit les enfants d'Éphraïm jusqu'à la troisième génération, Genèse 50, 22, c'est-à-dire Édem, son arrière-petit-fils du côté d'Éphraïm. C'est là, en effet, ce que l'Écriture appelle troisième génération. Puis elle ajoute, et les enfants de Makir, fils de Manassé, naquirent sur les genoux de Joseph, c'est-à-dire Galaad, son arrière-petit-fils du côté de Manassé, dont l'Écriture, suivant son usage, qui est aussi celui de la langue latine, parle comme s'il y en avait plusieurs, ainsi que de la fille unique de Jacob, qu'elle appelle les filles de Jacob. Il ne faut donc pas s'imaginer que ces enfants de Joseph fussent nés quand Jacob entra en Égypte, puisque l'Écriture, pour relever la félicité de Joseph, dit qu'il les vit naître avant que de mourir. Mais ce qui trompe ceux qui n'y regardent pas de si près, c'est que l'Écriture dit « Voici les noms des enfants d'Israël qui entrèrent en Égypte, avec Jacob, leur père. » Genèse 46, 8. Elle ne parle donc de la sorte que parce qu'elle compte aussi toute la famille de Joseph, et qu'elle prend cette entrée pour toute la vie de ce patriarche, parce que c'est lui qui en fut cause. Chapitre 41. Bénédiction de Juda. Si donc, à cause du peuple chrétien, en qui la cité de Dieu est étrangère ici-bas, Nous cherchons Jésus-Christ selon la chair dans la postérité d'Abraham, laissant les enfants des concubines, Isaac se présente à nous. Dans celle d'Isaac, laissant Ésaü ou Édom, se présente Jacob ou Israël. Dans celle d'Israël, les autres mis à part, se présente Judas, parce que Jésus-Christ est né de la tribu de Judas. Voyons pour cette raison la bénédiction prophétique que Jacob lui donnait lorsque, près de mourir, il bénit tous ses enfants. « Judas, dit-il, vos frères vous loueront, vous emmènerez vos ennemis captifs, les enfants de votre père vous adoreront. Judas est un jeune lion, vous vous êtes élevé, mon fils, comme un arbre qui pousse avec vigueur. Vous vous êtes couché pour dormir comme un lion et comme un lionceau. Qui le réveillera? Le sceptre ne sera point ôté de la maison de Judas, et les princes ne manqueront point jusqu'à ce que tout ce qui lui a été promis soit accompli. Il sera l'attente des nations, et il attachera son poulain et l'anon de son ânesse au cep de la vigne. Il lavera sa robe dans le vin, et son vêtement dans le sang de la grappe de raisin. Ses yeux sont rouges de vin, et ses dents plus blanches que le lait. » Genèse 49, 8. J'ai expliqué tout ceci contre Faust le Manichéen, 12, 42, et j'estime en avoir dit assez pour montrer la vérité de cette prophétie. La mort de Jésus-Christ y est prédite par le sommeil, et par le lion, le pouvoir qu'il avait de mourir ou de ne mourir pas. C'est ce pouvoir qu'il relève lui-même dans l'Évangile, quand il dit « J'ai pouvoir de quitter mon âme, et j'ai pouvoir de la reprendre. Personne ne me la peut ôter, mais c'est de moi-même que je la quitte et que je la reprends. » Jean 10, 18. C'est ainsi que le lion a rugi et qu'il a accompli ce qu'il a dit. À cette même puissance encore se rapporte ce qui est dit de sa résurrection, qui le réveillera, c'est-à-dire que nul homme, ne le peut que lui-même, qui a dit aussi de son corps, « Détruisez ce temple, et je le relèverai en 3 jours. » Jean 2, 19. Le genre de sa mort, c'est-à-dire son élévation sur la croix, est compris en cette seule parole, « Vous vous êtes élevé. » Et ce que Jacob ajoute ensuite, « Vous vous êtes couché pour dormir », l'évangéliste l'explique lorsqu'il dit, « Et penchant la tête, il rendit l'esprit », Jean 19, 30, « Si l'on aime mieux l'entendre de son tombeau, où il s'est reposé et a dormi, et d'où aucun homme ne l'a ressuscité, comme les prophètes ou lui-même en ont ressuscité quelques-uns, mais d'où il est sorti tout seul comme d'un doux sommeil. Pour sa robe qu'il lave dans le vin, c'est-à-dire qu'il purifie de tout péché dans son sang, qu'est-ce autre chose que l'Église? Les baptisés savent quel est le sacrement de ce sang, d'où vient que l'Écriture ajoute, et son vêtement dans le sang de la grappe. Ses yeux sont rouges de vin. Qu'est-ce que cela signifie, sinon les personnes spirituelles enivrées de ce divin breuvage dont le psalmiste dit que « Votre breuvage qui enivre est excellent. Ses dents sont plus blanches que le lait. » Psaume 22, 5. C'est ce lait que les petits boivent chez l'apôtre. 1 Corinthiens 3, 2. C'est-à-dire les paroles qui nourrissent ceux qui ne sont pas encore capables d'une viande solide. C'est donc en lui que résidaient les promesses faites à Judas, avant l'accomplissement desquelles les princes, c'est-à-dire les rois d'Israël, n'ont point manqué dans cette race. Lui seul était l'attente des nations, et ce que nous en voyons maintenant est plus clair que tout ce que nous en pouvons dire. Chapitre 42. Bénédiction des deux fils de Joseph par Jacob. Or, comme les deux fils d'Isaac, Ésaü et Jacob, ont été la figure de deux peuples, des Juifs et des chrétiens, quoique selon la chair les Juifs ne soient pas issus d'Ésaü, mais bien les Iduméens, pas plus que les chrétiens ne le sont de Jacob, mais bien les Juifs, tout le sens de la figure se résume en ceci. L'aîné sera soumis au cadet. Il en est arrivé de même dans les deux fils de Joseph. L'aîné était la figure des Juifs, et le cadet celle des chrétiens. Aussi Jacob, les bénissant, mit sa main droite sur le cadet qui était à sa gauche, et sa gauche sur l'aîné qui était à sa droite. Et comme Joseph, leur père, fâché de cette méprise, voulut le faire changer, et lui montra l'aîné. « Je le sais bien, mon fils, répondit-il, je le sais bien. Celui-ci sera père d'un peuple et deviendra très puissant. Mais son cadet sera plus grand que lui, et de lui sortiront plusieurs nations. » Genèse 48, 19. Voilà deux promesses clairement distinctes. L'un, dit l'Écriture, sera père d'un peuple, et l'autre de plusieurs nations. N'est-il pas de la dernière évidence que ces deux promesses embrassent le peuple juif et tous les autres peuples de la terre qui devaient également sortir d'Abraham, le premier selon la chair, et le reste selon la foi? Chapitre 43. Des temps de Moïse, de Jésus-Navé, des juges et des rois jusqu'à David. Après la mort de Jacob et de Joseph, le peuple juif se multiplia prodigieusement pendant les 144 années qui restèrent jusqu'à la sortie d'Égypte, quoique les Égyptiens, effrayés de leur nombre, leurs fils subirent des persécutions si cruelles que, même à la fin, ils tuèrent tous les enfants mâles qui venaient au monde. Alors, Exode 5, Moïse, choisi de Dieu pour exécuter de grandes choses, fut dérobé à la fureur de ses meurtriers et porté dans la maison royale, où il fut nourri et adopté par la fille de Pharaon, nom qui était commun à tous les rois d'Égypte. Là il devint assez puissant pour affranchir ce peuple de la captivité où il gémissait depuis si longtemps, ou, pour mieux dire, Dieu, conformément à la promesse qu'il avait faite à Abraham, se servit du ministère de Moïse pour délivrer les Hébreux. Obligé d'abord de s'enfuir en Madian, Exode 2, 15, pour avoir tué un Égyptien qui outrageait un Juif, revenu ensuite par un ordre express du ciel, il surmonta les mages de Pharaon, Exode 8, 9, 10 et 11, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Après ces prodiges, comme les Égyptiens refusaient encore de laisser sortir le peuple de Dieu, il les frappa de ces 10 plaies si fameuses. L'eau changée en sang, les grenouilles, les moucherons, les mouches canines, la mort des bestiaux, les ulcères, la grêle, les sauterelles, les ténèbres et la mort de leurs aînés. Enfin, les Égyptiens, vaincus par tant de misère, furent, pour dernier malheur, engloutis sous les flots, tandis qu'ils poursuivaient les Juifs, après leur avoir permis de s'en aller. La mer, qui s'était ouverte pour donner passage aux Hébreux, submergea leurs ennemis par le retour de ses ondes. Depuis, ce peuple passa 40 ans dans le désert sous la conduite de Moïse, et c'est là que fut fait le tabernacle du témoignage, dans lequel Dieu était adoré par des sacrifices, figure des choses à venir. La loi y fut aussi donnée sur la montagne au milieu des foudres, des tempêtes et de voix éclatantes qui attestaient la présence de la divinité. Ceci arriva aussitôt que le peuple fut sorti d'Égypte et entré dans le désert, 50 jours après la Pâque et l'immolation de l'agneau, qui était si véritablement la figure de Jésus-Christ immolé sur la croix et passant de ce monde à son Père, car Pâque en hébreu signifie passage, que lorsque le Nouveau Testament fut établi par le sacrifice de Jésus-Christ, qui est notre Pâque, 50 jours après, le Saint-Esprit, appelé dans l'Évangile le doigt de Dieu, Luc 11, 20, descendit du ciel afin de nous faire souvenir de l'ancienne figure, parce que la loi, au rapport de l'Écriture, fut aussi écrite sur les tables par le doigt de Dieu. Après la mort de Moïse, Jésus, fils de Navé, prit la conduite du peuple et le fit entrer dans la terre promise qu'il partagea. Ces deux grands et admirables conducteurs achevèrent heureusement de grandes guerres, où Dieu montra que les victoires signalées qu'il fit remporter aux Hébreux sur leurs ennemis étaient plutôt pour châtier les crimes de ceux-ci que pour récompenser le mérite des autres. À ces deux chefs succédèrent les juges, le peuple étant déjà établi dans la terre promise, afin que la première promesse faite à Abraham touchant un seul peuple et la terre de Chanaan commençât à s'accomplir, en attendant que l'avènement de Jésus-Christ accomplisse celle de toutes les nations et de toute la terre. C'est en effet la foi de l'Évangile qui en devait faire l'accomplissement, et non les pratiques légales, et cette vérité est figurée d'avance, en ce que ce ne fut pas Moïse qui avait reçu pour le peuple la loi sur la montagne, mais Jésus, à qui Dieu même donna ce nom, qui fit entrer les Hébreux dans la terre promise. Sous les juges, il y eut une vicissitude de prospérité et de malheur, selon que la miséricorde de Dieu ou les péchés du peuple en décidaient. De là on passa au gouvernement des rois, dont le premier fut Saül, qui, ayant été réprouvé avec toute sa race et tué dans une bataille, eut pour successeur David. C'est de ce roi que Jésus-Christ est surtout appelé fils par l'Écriture. C'est par lui que commença en quelque sorte la jeunesse du peuple de Dieu, dont l'adolescence avait été depuis Abraham jusqu'à lui. L'évangéliste saint Matthieu n'a pas marqué sans intention mystérieuse, dans la généalogie de Jésus-Christ, 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, Matthieu 1, 17. En effet, c'est depuis l'adolescence que l'homme commence à être capable d'engendrer, d'où vient que saint Matthieu commence cette généalogie à Abraham, qui fut père de plusieurs nations, quand son nom fut changé. Avant Abraham donc, c'était en quelque sorte l'âge qui suivit l'enfance du peuple de Dieu, depuis Noé jusqu'à ce patriarche, et ce fut pour cette raison qu'il commença en ce temps-là à parler la première langue, c'est-à-dire l'hébraïque. La vérité est que c'est au sortir de l'enfance, qui tire son nom, infantia, de phari, parler, et de la particule négative in, de l'impossibilité où sont les nouveau-nés de parler, que l'homme commence à user de la parole, et de même que ce premier âge est enseveli dans l'oubli, le premier âge du genre humain fut aboli par les eaux du déluge. Ainsi dans le progrès de la cité de Dieu, comme le livre précédent contient le premier âge du monde, celui-ci contient le second et le troisième. En ce troisième âge fut imposé le joug de la loi, qui est figuré par la génisse, la chèvre et le bélier de 3 ans, Genèse 15, 9, on y vit paraître une multitude effroyable de crimes, qui jetèrent les fondements du royaume de la terre, où néanmoins vécurent toujours des hommes, spirituels figurés par la tourterelle et par la colombe. Mark M. Dan, archive.org, 2019, d'après abbaye-saint-benoît.ch. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial partage à l'identique.